on va reprendre depuis le début. Je vous ai dit, hein, 20 minutes, c'est amplement suffisant. Ok. Je récupère le flow, la vibe, tout ça, là. Je récupère le flow, maintenant qu'il y a ah, ouais. Des poètes, des prophètes. Ouais, il y a Momo. Il me connaît, Momo. Eh, tu me dis ce que t'en penses, Momo, on est là. C'est bon, tu peux démarrer. Elle s'appelle comment déjà? Redeem. Vas-y, Redeem. Ben, l'instru, je l'ai intitulé Redeem, c'est un instru que j'ai pris sur YouTube. Et les textes, c'est 100% moi en fait. Moi, je suis auteur interprète. Et dès que j'aurai l'occasion de gérer une mixette ou des instruments, tout ça, je deviendrai compositeur. Histoire de me créer mes vrais trucs, comme ça, je serai complet en fait. Voilà. Mais tu me donnes n'importe quoi et je peux t'écrire dessus en vrai, si ça me plaît. Si ça me plaît, voilà. Authentique. Avec les chics. Ok. Ok, on va essayer de moins pousser là. Ok. Sinon, j'aurai pas de souffle. Ok, doucement. Ok, c'est bon. Destiné à l'écrit pour ceux qui j'utilise l'esprit. Entre la tristesse et les rêves, l'humain libre cherche l'équilibre. Destiné à l'écrit pour ceux qui j'utilise l'esprit. Entre la tristesse et les rires, l'humain libre recherche l'équilibre. Qui peut arrêter la mélo quand elle est bien faite? J'ai mis la fille à tes clips, personne n'est pas fait. J'irai faire j'ai déjà fait, hein. J'irai faire j'ai déjà fait. Qu'unité les affaires, cumuler du bien. Je ne sais pas combien, tranquillos mais sûrement. Sur un chemin, tranquillement. Ouais. Je marche pour m'accomplir au parcours. Non, non, non, je n'ai pas tout, seulement des bons atouts. Oui, oui, mais pas vous, je suis pas. Oui, oui, mais pas vous, oui, oui, mais pas vous, je suis partout, pas fou. Et à la fois n'importe où, et à la fois n'importe où, pas n'importe où. La justice n'a pas de goût, l'injustice n'est pas cool. L'idée joue au pas de course, oui, tu m'as vu passe foot. Oh, là, ils ont mis pas tout. Je me pose, je propose, puis je pose. C'est chiffré dès que je dépose. Je me pose, je propose et je pose. C'est chiffré dès que je dépose. Pour mes hits, pour mes hits, pour mes hits, pour mes hits, pour mes hits, pour mes hits. On persiste, on résiste. Changement d'état, fuck l'état. Changement de terme, j'y mets un terme. Changement d'état, fuck l'état. Changement de terme, j'y mets un terme. Changement de vitesse. Changement de vitesse sans finesse, yes, yes. Changement de vitesse, yes, yes. Changement de vitesse en finesse, yes. Yes. Je manie les mots, prêt pour le show, top prêt chaud. Parfum choco, arôme coco. Individualiste réel, civilisation de voix quelle. Individualiste réel, civilisation de voix quelle. Bon, on va relâcher un peu. On va mettre le latino là pour que je récupère. Merci. Vas-y, récupère. Quelle énergie, hein. Au travail, hey, hey. Au travail. Au travail. Ok. Au travail. T'as fait plus qu'un esclave pour manger sur une grande table. Au travail. T'as fait plus qu'un esclave pour manger sur une grande table. Ah. Popolo tata, popolo tata. Ah, En n'importe quelle langue, n'importe quel chant, on se comprend. Aïe, aïe, aïe, nos étreintes nous mélangent, puis tu en redemandes, après on se contente. Aïe, aïe, je réponds frigo lorsqu'elle est chaude, let's go, je suis frais et chaud. La température augmente, autrement sexe intense comment. Beaucoup, elle ronronne sur du reggaeton. Au travail, au travail, tranquille aussi, on y va, amigos. Pam pam la tata. Au travail. Au passage, la vie nous réserve des étapes. Au passage, la vie nous réserve des états pour rechercher notre extase. Je suis pas amoureux, peut-être que pour faire mal, je avant le jeu. C'est pour ça qu'il reste un dieu. C'est peut-être pour ça qu'il reste un dieu. C'est peut-être pour ça qu'il reste un dieu. Butterfly. Ah, Butterfly c'est. Ok. Butterfly c'est toutes nos idées. Butterfly c'est toutes nos folies. Ok. Ok. Butterfly c'est toutes nos idées. Butterfly c'est toutes nos folies. Butterfly est. Butterfly, elle en fait partie. Butterfly. Butterfly, c'est près de l'infini. Butterfly, c'est ce qui fait vivre. Je suis en manque de souffle là. Bravo. Tu vas voir les paroles, le premier, la première. Allez, Mohamed. Wow. C'est trop fort. Hein. Merde, j'ai dit, je t'en sûr. T'en sûr. James, c'est là. Maintenant, je vais te parler de Paris. Paris, les taxis boulevards, pour tous ces fils bâtards qui sont nés quelque part entre la mort et l'ennui. Paris, le monde entier t'appartient, pourtant tu tiens qu'au creux de maman. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. La rue, combien de frères a-t-elle emporté ? On l'a élu et abattu, je ne sais plus. Maintenant, si c'est sur plus, ça va être hardcore pour le Nord. J'étais à Jean Verdier et on m'a refoulé. Boulevard Serrurier. Boulevard Serrurier ! C'est les chiens. La police m'a strict sur l'accueil de fils. Je suis fait contrôler. Il croyait qu'il y avait du shit dans mon sac noir. J'ai toujours. J'ai perdu. J'ai perdu plus de chrétiens que de putains de maghrébins. Le Maghreb, il manque la Mauritanie et le Mali. Bamako, on connaît la chanson. Un dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Je tourne la page. Maintenant, le sang contaminé. On est miné. La police est derrière Mirin. Ils n'arrêtent pas de me suivre, me poursuivre. Mais je les mets dans le vent. L'esquive est de retour. Pourquoi tout ça? Maintenant, dédicace à Jimso. L'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment. Même le gouvernement, prêt à baisser leur froc pour une question d'argent. Avec une baisse irréversible sur le temps, apparemment l'armement par chargement avant. La condition de vie de chacun, le monde est plein de bombes qui creuseront nos tombes. Maintenant, tu sais à quoi sert le fric? Qui à lui seul pourrait stopper la famine en Afrique. Le fric, c'est chic. Quand t'en as pas, tu fais n'importe quoi. Tu commences par la chicha, tu finis par le shit. Après, c'est la cocaïne, héroïne, Subutex. Je vais aller sur Cortex, téléphoner à mon frère pour qu'il me ramène des cigarettes. Il viendra pas, il est trop loin. RERE. Prends ta queue et fais un nœud. Le corbillard, on le connaît. Camisole, sérum, j'ai été. Je suis à la chambre 6, 16, Rocheteau. Il était beau. C'était un vrai footballeur. Il n'y en a plus maintenant. Il reste qu'un Mbappé et j'en ai marre de Neymar. Messi, il faut rien. Il tourne sur Paris, au Fouquet, où Sarkozy s'est fait élire. L'avenue Montaigne, Black S, c'est pire que la SS. Jimso, James, pour les intimes, l'ultimatum, premium. On n'a pas honte, ce qu'ils font aux enfants au Mali. Ils violent les filles, les casques bleus. Qu'est-ce qu'ils foutent au Mali? Les États-Unis, le corona, c'est eux. Bombe, uniquement pour Saddam Hussein. Quand tu les pèles, comme un ZP, s'il vous plaît. Bush, B, U, S, H. Quand ils l'ont tué, ils chicanaient à la télé. TF1, tête de français numéro 1. Antenne 2, ouvre tes yeux. La 3, désarroi. L'anal plus, je regarde pas. La 5, tu trinques. 6, Didier 6, Mexico 86. J'avais 16 ans. Maintenant, j'ai plus de dents. En attendant, regarde-moi bien. Il n'y a rien. RAS, c'est pas rien à signaler. C'est rien à siffler. Si tu veux une banane, je te donne la banane. Mais je te donnerai pas ma bouteille d'eau. L'eau, c'est sacré. J'ai perdu de l'eau. Dolores. La future de hoy est jueves demain. Demain, je suis au marché, chez le poissonnier. Il a donné des glaçons, des gambas et des crevettes. Pour pas faire la quête. L'aumône, c'est malsain. Ne tends jamais la main. Demande rien. De toute façon, ils sont blindés. Ils se foutent de nous. Qui ? Le gouvernement. Macron ? Macaron, Brigitte, femme de flic, quand tard le soir il patrouille, montez, montez des grosses couilles. Elle a interdit de manger du chocolat. Carbabrini, son mec, c'était Nils Geiger. C'était le voisin de Sarkozy quand elle était au pouvoir. Il a fait en sorte que Nils Geiger retourne à Londres. J'aime pas les Anglais. La place Prado à Marseille, quand la Tunisie a joué, ils ont charcuté mes cousins. 47 coups de couteau. Les skins, je les baise. À l'aise, Blaise, Pascal. Le billet de 500, j'en ai encore un. Je le garde à la mort, à la vie. Maintenant, on survit. En attendant, et tu l'attends, comme un con, la seringue au fond de ton train. Train d'enfer, avec Roger Hanin. C'est un chien. Enrico Macias, il est interdit d'aller en Algérie. Écoute bien. Saleté de médicaments. Terralen. Valium. Tu veux que je dors? J'ai mis un thermo de café dans mon sac. Il y a des gaufres. Gaufres, en argot, ça veut dire merguez. Merguez, c'est une voiture retapée. Mais pas des petits rivets, mais des rivets de poids lourds. On est des semi-lourds. Airbag, je l'emmerde. Il traîne chez l'âme. Pourquoi tant de haine avec ton Henken? C'est vraiment pas la peine. Je pleure. Je pense à mes parents. Ils ont fait n'importe quoi. La pierre tombale. C'est moi qui vais la faire. Je m'en vais en Tunisie le 28 novembre, si tout va bien. le gouvernement, bon, l'Assemblée nationale, faut la cramer. Comme ça, ils appelleront les CRS avec leur trafic béni. Moi, je pense aux Louise et aux Prince. Je vais les faire avec une toupie. Je vais leur rentrer dedans. Sans armes. Vol avec violence. Vice de forme. Le procureur. La juge. On les met dans le même sac. Prends pas un avocat d'office. Il t'envoie un Fred. Après Fred. Tu vas fleurir. À Fleury. Après Fleury. Après Fleury. Saint-Denis-de-Bois, 91-705. Ville-Pinte, il y a les repas dans le couloir. Momo, pour les balances, Momo, moi je l'appelle Momo. Est-ce que vous avez capté mon pseudo, ces gars-là. C'est Momo. C'est des mots à mots. Pour les os qui dénoncent trop. Il en prend en plus, les gars. Le remède, c'est Mohamed. Il ne m'appelle pas Maurice. Ça glisse. La kippa. Ça brûle. Mon bonnet, il y a mon ADN. Je ne vais pas le laisser là. C'est moi qui vais le laver. Et sinon, Momo. Avec du savon de Marseille. Et Momo, tu me oui. Capes. On est deux là. Tu veux qu'on dise quoi pour finir, pour clôturer l'enregistrement? Je te dis, hardcore pour le Nord. Va pas à Bondy Sud. Yeah. Le café, il coûte 1,50€. Je le prends à 1€. Et si on parlait un peu de soleil? Le soleil? Ouais, le soleil. C'est pas bon avec le traitement. Le soleil fait l'insolation. Hein? Le traitement, je le prends. Mais après, je titube. Le shit, ça veut dire merde. Ah oui, en même temps, je dois te dire merci. Hein. J'ai vu les tagadas. Hein. Framboise que tu m'as glissé sur la table. James, je suis pas trop de bonbons, tu vois, mais intéressant. Mange-les. Muré framboise que j'apprends par un collègue. Lave-toi les dents. En attendant. Hein. Et encore on est toujours mieux. Le 12 octobre lave-toi 2022. Les yeux. Faut vous avouer que c'était un challenge aujourd'hui. Il est 17h50, c'était un challenge parce qu'en fait, je dois descendre. On n'était pas beaucoup, donc on n'était pas sûr avec Martin que ça allait marcher. Et qu'au final, ça a très bien marché, je dirais maître. Même roulé en fait. Un run. Martin pour les intimes. Ça a bien run. Hein. C'est maître. Un bon run, une belle course là. Le maître de la chanson. On arrive sur des dernières minutes là, on est lancé, on fait un sprint de fin là, un petit 100 mètres. Un petit 200 mètres, Momo, ou c'est comment? Je peux pas. Pourquoi? J'ai des corps au pied. Ah mince. J'ai mal au genou. Mince. J'ai calcul dans le dos. Ah. Le robinet. Ouais. L'autre du robinet. Ouais. Ça te fait des calculs dans le dos quand tu prends l'âge. Ma retraite, elle est anticipée. Je vais sur une 53. 53, Laval. Je l'avale. Laval, je l'avale. Quelle belle conclusion, Momo. Mohamed, pour les intimes. J'aime bien le petit nom que tu m'as donné, hein, James. Ouais, ouais, mais du coup, moi, je sais pas, parce que j'ai pas un public. Un bouillon pour, non, ça va, le bouillon. Pour savoir, parce que. Non, ça va, tu me connais, Mo, donc. C'est un peu objectif la vie que tu vas avoir sur moi, tu vas forcément aimer. Et si je fais une autocritique, hein, c'est que les textes sont assez commerciaux. Ce que j'ai donné, c'est très commercial. Manque d'entraînement, je sais que je peux faire mieux, je l'ai déjà fait et sans les feuilles. Excuse-moi, la censure est présente, ouais. Pourtant l'information circule. Ouais, et moi il faut que j'enlève cette censure de mon esprit. Hein. Tout comme toi, je ne sais pas comment tu fais, c'est ce qui fait que tu es un grand improvisateur en fait. Parce que tu n'as pas de frein, en fait. Tu n'es pas bloqué c'est dans dur. L'esprit. Le Père Noël est une ordure. Ça, il n'y a pas truc. D'Halloween chez moi. Le sapin, c'est malsain. C'est malsain. Les guirlandes, tu glandes. Où? Au quartier. Et tu veux 10 balles et mais ou 20 balles? Mais en fait, tu es un chroniqueur. Hein. Tu n'es pas qu'un poète. Hein. Tu es un chroniqueur aussi. Hein. Je suis ni on prophète, va mettre une chronique en place. Hein. Genre avec Martin, une chronique genre la chronique du mercredi, ce serait trop bien. Le temps, et si Mohamed c'est parti de la radio, hein. Il vient, il fait la pro. En plus, des fois, il prend des petits morceaux de journal, tout ça. Je connais ça. Il le fait souvent. Et Momo, c'est un collègue d'écriture du vendredi. Ouais. L'atelier de Naomi, tu te souviens, on était ensemble, on l'a fait. On a fait des choses à venir voir qu'on ne dira pas, bien sûr. Tu vas lire quoi là ? Là, par exemple, ça, c'est la transformation de la réalité par Momo. Vas-y, prends le micro, s'il te plaît. Lidl. Micro. Je préfère le Monoprix. Lidl, c'est de la merde. Et tout ce qui est Et Momo, et je liquide aussi. Vaisselle, je prends. Ah Momo, j'avais au Javel, je prends aussi là sur l'allée là, parce que les autres textes que j'ai rappés aujourd'hui ou chantés ou slamés, tout ce que vous voulez, n'étaient pas d'aujourd'hui. Mais là, je viens d'écrire un vrai truc de. C'est mes vieux os. Tu vas descendre, moi. J'ai peur, mes os. C'est mes vieux os. Mohamed, j'ai peur, mes os. C'est mes vieux os. Ok, donc pour clôturer un petit truc que j'ai écrit, c'est juste un refrain mélodique façon trap. C'est, donc ça fait balèze. Donc ça fait un petit refrain façon mélodique. Pour de la frappe, tu vois. Allô, pour allô. De la trappe. Allô, la James. Attends, laisse-moi commencer. Deux minutes, c'est pas de la flûte. Vas-y. Y'en a qui jettent du pain, y'en a qui crèvent de faim. Laisse-moi faire, regarde. Écoute un peu, ça fait. Balèze, ok. Balèze, ok. Balèze, j'ai mis le drapeau en haut de la falaise. Balèze, j'ai mis le drapeau en haut de la falaise. Balèze, je fais la paye. Balèze, la paye. Ah merde. Balèze, la paye, je la fais à l'aise. Balèze, la paix, je la fais à l'aise. Balèze, j'ai mis le drapeau en haut de la falaise. Balèze, la paix, je la fais à l'aise. Balèze dans mon domaine. Balèze, pas ni problème. La force. Balèze, pas ni problème. Ok. Balèze dans mon domaine. Balèze, pas ni problème. Balèze. Ok. Balèze dans mon domaine. Balèze, pas du tout. Balèze, pas ni problème. La force. Parmi nos gangs, la force parmi nos gangs, la force parmi nos gangs, dans mon domaine, taxi jet, la force parmi nos gangs, la rosa jet, la force parmi nos gangs, la force parmi nos gangs, la force parmi nos guides, balèze dans mon domaine, balèze, pas ni problème. La force parmi nos guides, balèze dans mon domaine, balèze, la force parmi nos guides, balèze, pas ni problème. La force parmi nos guides, balèze, ok. On est balèze ici. Métanoïa, le 12 octobre 2022, à Ville, avec l'équipe, ça va continuer de toute façon avec ou sans moi. Il y a un délire qui se passe depuis un peu longtemps. Faut venir les amis, hein, faut venir. Il y a du niveau, et bien sûr du fun. Getsen, il m'a contaminé. De la CK Ace, Black Ace, B Ace, yes. Il était présent là, sur le flow, Black Ace, Il y a Mohamed le prophète qui a parlé aussi. Il y a Frédéric qui écoutait, il a aidé en la technique. Et Régis Hérault qui était à côté aussi. Et Martin Baquero, on se voit la semaine prochaine. Merci Métanoïaque.